Dixième chapitre, la dernière légende. Il y avait plusieurs années, paraît-il, que la fantastique rumeur se colportait à travers le monde, et moi je n'en avais rien su. Il en est du reste toujours ainsi. Le principal intéressé est le dernier enseigné. Tout Madrid le savait, tout Madrid sauf lui. Mais un soir, au palace, en parlant avec Malvi, des étranges circonstances de son procès, il m'advint de lui demander quel rôle Matahari avait réellement joué dans cette fameuse aventure politique. « Un rôle très curieux, » me répondit le ministre exilé en souriant avec une amère ironie. « Figurez-vous que parmi les documents que l'accusation considérait comme les plus accablants pour moi, il y avait quelques lettres intimes écrites sur du papier portant l'entête du Conseil des ministres et adressées à Matahari. Ces lettres étaient signées MY, et si elles ne traitaient en rien des affaires du gouvernement, ni des secrets de l'État, elles montraient par contre que des relations amoureuses avaient existé entre leur auteur et la fameuse ballerine récemment fusillée. Si j'avais été ce MY, je l'aurais avoué sans honte, mais comme je ne l'étais pas, je protestais contre les suppositions que les juges chargés d'instruire mon procès fondaient sur une aussi mystérieuse correspondance. Mes protestations naturellement furent vaines. Mis sur du papier à l'entête du Conseil des ministres, ce devait être forcément mal vu, surtout qu'il s'agissait d'épîtres de caractère galant. Ainsi donc, un des motifs de la haute cour pour dicter le singulier arrêt qui ne me prive pas de mes droits politiques, mais qui m'exile, fut ces lettres. Mais comme tout finit par s'éclaircir dans la vie, on a su un beau jour que le correspondant de la danseuse rouge, ce n'était pas moi, mais bien un autre ministre. Malvi se contenta de mettre un peu plus d'ironie et un peu moins d'amertume dans son sourire. « Mais celui de nous deux qui doit le mieux savoir quels étaient les amis de la fameuse ballerine, c'est vous. »« Moi ? Pourquoi ?» Il y eut un moment de silence, pendant lequel le visage fin de l'ancien ministre français devint soucieux. À la fin, visiblement confus, il voulut s'excuser de ce qu'il appelait son indiscrétion et me demanda de parler de choses moins macabres. Mais j'éprouvais grande curiosité de connaître le motif de ces phrases énigmatiques, et ainsi, devenu sérieuse à mon tour, je le priai de m'expliquer ce qu'elles signifiaient. « Ce n'est un secret pour personne, » me répondit-il, « et je ne veux parler que de vos amours avec Matahari. »« Mes amours avec Matahari ? » ?»« Oui, tout le monde chuchote que vous avez été son dernier amant. »« Moi ? » Après tout, c'est flatteur, puisqu'il s'agit d'une femme si fameuse, m'écriai-je en riant. Seulement, il n'en est rien. Vraiment ? Insista-t-il. Vous n'avez pas eu de relation avec cet étrange artiste ? Aucune relation d'aucune sorte ? C'est bizarre. Et le plus délicatement qu'il put, choisissant soigneusement ses mots pour ne pas me froisser, il m'exposa ce qui se murmurait à Saint-Sébastien, à Madrid, à Séville, partout où il avait coutume de faire de longs séjours. J'avais été non seulement l'amant, mais le dénonciateur de Matahari. D'aucuns disaient que mon acte inique avait été inspiré par la jalousie, par des rancœurs intimes, par le désir de me venger des perfidies de ma maîtresse. D'autres parlaient de sommes fabuleuses, d'autres enfin croyaient savoir que le gouvernement français, par l'intermédiaire de son ambassadeur en Espagne, m'avait décidé à lui livrer la grande espionne en échange de je ne sais quelle décoration. Je riais aux larmes pendant que l'ancien ministre parlait. À la fin, je pus dire « Certainement il y a eu erreur sur la personne » puisque je ne l'ai pas connu même de vue. Ainsi sont les choses, murmura Malvi. Et tout de suite, comme pour s'excuser d'avoir pu prêter l'oreille à une légende aussi absurde, il me dit, évidemment je n'ai accepté comme vraisemblable que l'idée des amours. Qu'y aurait-il d'étonnant à ce qu'un homme dont les aventures galantes ne sont un mystère pour personne se fût épris de cette femme? car vous ne nierez pas que, si ces photographies ne me trompent pas, elle était belle, d'une beauté exotique, avec des yeux de profond mystère et un corps serpentin de bayadère hindou. Puisque je vous dis que je ne l'ai jamais vue, pas même au théâtre, et c'est cela précisément qui est singulier, si du moins je l'avais connue et fréquentée comme je connais et fréquente beaucoup d'autres artistes européennes, il y aurait eu un vague motif pour m'attribuer de plus intimes relations. Mais encore une fois, je ne l'ai jamais vue, ni de près ni de loin. Qui plus est, moi qui ai écrit deux livres dans lesquels je parle uniquement de danse et de danseuse, moi qui adore les danses exotiques, je n'ai jamais écrit son nom. En tout cas, poursuivit Malvy, la partie vile de ces rumeurs, celle qui voudrait faire de vous un dénonciateur, est ridicule. Moi qui ai été, durant de longues années, ministre de l'Intérieur et, partant, chef de la police, je me suis mis à rire quand certains germanophiles espagnols m'ont dit que si le gouvernement de mon pays vous promut commandeur de la Légion d'honneur, ce fut pour vous payer le sang de Matahari. Ces malheureux ne savent pas que les services de police se rémunèrent en argent, non pas en honneur, et que les Français de tous les partis ont un si profond respect pour la Légion d'honneur qu'il suffirait que quelqu'un eût commis une félonie, même profitable au gouvernement, à la justice ou à l'armée, pour qu'on ne lui accordât jamais, je ne dis pas la cravate de commandeur que portent avec orgueil beaucoup de nos généraux, mais même la simple croix de chevalier. Il y a une autre raison plus puissante encore, lui dis-je, pour que cette partie de la légende ne fasse pas fortune, et c'est qu'en Espagne, en Amérique, en France même, tous connaissent mon caractère, et si l'on me croit toujours prêt à de grandes folies, on me sait par contre incapable de la moindre faute contre l'honneur. En entendant ces paroles, Malvy sourit d'une façon si singulière que son expression me parut tragiquement douloureuse. Et je devinais ce qui se passait dans son âme, je vis clair dans ses yeux. Je compris que cet homme qu'on avait accusé dans sa patrie, non pas de dénoncer des espions, mais au contraire de les protéger, d'être au service de l'ennemi, de trafiquer du pouvoir, d'être en somme cette chose horrible qu'on appelle un traître, savait par sinistre expérience le peu que valent la réalité et la logique contre la calomnie et l'absurde. Au fond, tous ceux qui le fréquentaient au Parlement savaient que, s'il avait commis des fautes, c'étaient des fautes patriotiques inspirées par la bienveillance, par l'esprit de concorde nationale, par le désir généreux de créer et d'affermir l'Union sacrée de 1914. Seulement, ces mêmes camarades, au moment sombre du procès, s'empressèrent de se taire pour que le peuple entendît seulement les voix accusatrices. « Plus une calomnie est grotesque, murmura-t-il, plus elle trouve de gens disposés à lui accorder crédit. Dans l'univers de la politique, nous sommes si accoutumés à ce jeu puéril des inventions qui font rire le premier jour et qui ensuite très souvent font pleurer, que nous n'essayons même plus de lutter contre le principe voltairien qui guide les calomniateurs. « Vous avez raison, lui dis-je. » Et je me rappelais avec mélancolie que la première fois où mon nom franchit le seuil des petites chapelles littéraires pour résonner aux oreilles du grand public, ce fut quand la police espagnole arrêta à Madrid la célèbre Madame Imbert. Les Azorin, les Baroja, les Valle Inclán, les Mezzu, les compagnons des premières luttes, ceux qui forment ce qu'on a appelé la génération de 1898, se souviennent encore de ce scandale. J'avais été élu membre correspondant de l'Académie royale espagnole à 21 ans. Le titre flattait tellement ma juvénile vanité que je le faisais figurer même sur mes cartes de visite. Mais lorsque j'appris que l'un des membres de l'illustre compagnie, M. Cotarello, venait de gagner la prime offerte par la justice à qui découvrirait la retraite du génial escroc en jupon, je m'empressai d'écrire à M. Tamayo, qui était alors secrétaire perpétuel, que si l'Académie n'expulsait pas de son sein le dénonciateur stipendié, je le priais humblement, moi, d'accepter ma démission de la dignité qui m'avait été conférée par l'illustre Cénacle. Mon geste, non pour ce qu'il valait, mais pour ce qu'il signifiait, fit beaucoup de bruit. Dans la presse madrilène, la plus intéressée en l'affaire, les uns me défendirent, et les autres défendirent l'académicien dénonciateur, assurant que contribuer à ce que les coupables n'échappent pas à la justice est toujours une action profitable à la société. Moi, qui ai de tout temps éprouvé la plus profonde horreur pour tout ce qui est détectivisme et Sherlock Holmesisme de dilettanti, je crus avoir agi noblement, et je continue de le croire. Que la police exerce son ministère ingrat et nécessaire de la façon la plus efficace, soit. Mais qu'un monsieur, étranger à la magistrature, se complaise à se transformer en aide du bourreau, pouah ! C'est vrai, murmura l'illustre exilé, m'entendant évoquer ses souvenirs. C'est absolument vrai. Mais cela n'empêchera pas les gens intéressés à vous causer du tort, de continuer à répéter l'histoire de vos amours avec Matahari. Et s'il n'y avait que l'histoire des amours, que voulez-vous que j'y fasse ? Je ne sais. D'aucuns, dans un cas comme le vôtre, s'indignent et protestent par la voix de la presse. D'autres rient dans leur barbe et haussent dédaigneusement les épaules. Le résultat est pareil. La calomnie poursuit son chemin, rampant dans l'ombre des confidences, sans qu'aucun pied se puisse poser sur sa tête visqueuse et glissante.